Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va rester à table, mais en faisant un saut de 2000 ans en arrière au temps de l'empereur Néron. Lui ne se posait probablement pas la question du prix des aliments et pour manger, ben, il s'était fait construire une salle avec une salle de banquet tournante un peu, une sorte d'ancêtre du restaurant panoramique, le Lowe's, qui est devenu le Ciel depuis quelques semaines. Alors, Marie-Claude Dionne nous fait découvrir cette incroyable démonstration du génie romain. Bonjour, Marie-Claude. Oui, bonjour. Je vais commencer en disant que quand j'ai commencé mes études en archéologie, oui. ce qui me faisait vraiment rêver, qui était très intéressant, c'était les périodes de l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, la civilisation égyptienne aussi. C'est toutes des périodes qui sont caractérisées par un art magnifique, mais aussi des chefs-d'œuvre en architecture. Et une des histoires là, qui est assez intéressante, c'est celle de l'empereur romain Néron, qui est le dernier empereur de la dynastie julio-claudienne. Mm-hmm. Il a régné entre 54 et 68 de notre ère. Okay. Et c'est un homme qui est marqué par son ambition démesurée par ses politiques, mais surtout pour la construction de sa demeure, la Domus Aurea, c'est la maison dorée, mm-hmm. d'une étendue et d'une splendeur qui étaient rarement vues à l'époque. Et est-ce que cette Domus Aurea était en quelque sorte le palais impérial de l'empereur Néron? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Néron le fait construire en 64, c'est tout juste après le grand incendie qui va décimer une grande partie de Rome. Il va ordonner un grand projet de reconstruction dans la ville avec un style monumental. Et il va d'ailleurs être très, très critiqué pour son excessivité, parce qu'on va même, en fait, juste à dire que Néron a mis le feu lui-même à Rome pour créer de l'espace. Et cette Domus Aurea n'est pas un palais dans le sens où on l'entend comme un grand château romain, mais c'est plutôt un agencement de bâtiments et de pavillons. On a entre autres aménagé un grand parc pour avoir l'espace pour la Domus Aurea, mm-hmm. et on retrouve aussi un lac artificiel, et ce lac sera éventuellement asséché lorsqu'on va abandonner le complexe impérial et on va y faire construire le grand colisée qu'on connaît aujourd'hui. OK. Et ce site archéologique-là, il est connu depuis quand, Marie-Claude? Il est connu depuis 1999. On l'a retrouvé sous le grand palais Flavien, sur les pentes du Palatin. C'est sûr qu'on connaissait l'histoire là, d'après les historiens de l'Antiquité qui avaient relaté la présence... On n'a jamais retrouvé le site. Exactement. C'est ça. Puis, c'est sûr que les historiens ont décrit, mais il manquait beaucoup d'informations à savoir comment ça pouvait tourner aussi. Ah ben oui, on n'avait pas d'idée. Mais là, les nouvelles découvertes de l'équipe franco-italienne ont permis de mettre en lumière cette mythique salle-là de l'empereur. On va trouver une maçonnerie assez, assez exceptionnelle et puissante. Le bâtiment circulaire faisait 16 mètres de diamètre avec un mur massif de 2 mètres d'épaisseur pour soutenir tout ça. À son centre, on trouve un pilier d'à peu près 4 mètres de diamètre en maçonnerie pleine avec 8 arcs en mi-hauteur. Donc, à la mi-hauteur de la hauteur du pilier là, du monument circulaire, qui va relier le pilier au mur du pourtour. Et au-dessus de ces arcs-là, il y a un sol qui donnait donc sur un deuxième étage, on peut croire, et on trouvait fort probablement une autre série d'arcs. Et l'absence de décoration dans la première partie du bas laisse à penser qu'on est dans une partie non inhabitée, donc probablement un sous-bassement. Mm-hmm. Sur le sol du second étage, c'est là qu'on trouve quelques éléments. On trouve des trous, un en plein centre de la structure et une série de cavités aussi. Et c'est à ce moment-là que toute la technicité romaine va se déployer parce qu'on croit que ces cavités-là servaient à loger des sphères avec une utilité toute particulière. Mais Marie-Claude, comment peut-on savoir tout ça sans avoir trouvé d'artefacts qui y correspondant sur le site de la Maison Dorée? C'est la beauté de la chose de l'archéologie, c'est que des fois, on va trouver des découvertes ailleurs qui vont permettre de répondre à des questions sur d'autres sites. C'est un fait, hein? En fait, on a trouvé un modèle des sphères qui étaient particulières au site de la Domus Aurea. On les a retrouvées dans le lac de Nemi, qui est au sud de Rome. Ce que les archéologues ont trouvé, en fait, c'est des sphères en bronze, avec à l'intérieur une barre de métal fixe, fixée à une grande planche de bois. Et le cas de la Domus Aurea, les galettes de bronze, ces sphères-là, c'est des ancêtres du roulement à billes qui était fixé à une énorme planche de bois circulaire où on avait apposé les petites sphères, dans les cavités du sol trouvé. Fait intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ces cavités-là, il y a de l'argile fine qu'on peut penser que ça permettait un roulement là avec moins d'efforts. Moins de frappement, c'est ça. Exactement. Et au-dessus des galets, on avait donc le sol. Et probablement que sur ce sol-là, on avait un grand pavement de marbre aussi. Et je le redis, il faut souligner que si c'était pas de cette trouvaille-là archéologique, les historiens n'avaient pas parlé là, de ce fonctionnement-là. Donc, on parle vraiment d'une grande salle qui permet d'être connue par les fouilles archéologiques. Et si je peux me permettre pour parler du mécanisme, parce que c'est ça qui est ultimement très intéressant, le mécanisme, probablement par la force de l'eau, on a découvert sur les blocs du dépôt calcaire, donc une preuve du passage de l'eau. Aussi, très très près de la Domus Aurea, il y a un aqueduc qui va aboutir. Donc, si on fait un petit calcul, on va remarquer sur le site que l'aqueduc et la hauteur du sol, ça correspond pas du tout, ça concorde pas. On va retrouver, par contre, à l'intérieur des murs de la maçonnerie, quelques pièces de métal et aussi un élément de fer fixé. Et là, les archéologues en ont déduit qu'il y avait un système de roues et d'engrenages actionnés ultimement par l'eau. Et avec cette force-là, ça permettait de faire tourner le sol de la salle de banquet. Et on n'a aucune représentation imagée de la maison dorée? Mais non, malheureusement, mais en fait, on en a peut-être une. On a retrouvé une pièce de monnaie qui a été frappée sous le règne de Néron. On y voit un édifice à deux étages qui est octogonal avec à l'étage une balustrade et 8 colonnes. Donc, ça permet de pousser vers l'idée qu'on aurait peut-être la première image de cette salle-là. Il y a aussi une inscription latine qu'on retrouve sur la pièce de monnaie qui indique Machina Augusti. Donc, c'est la machine de l'empereur. Donc, c'est fort probable qu'il s'agisse de cette maison dorée-là. Mais ce qui est exceptionnel derrière tout ça, c'est que la maison, la Domus Aurea, elle a été habitée de 64 à 68. Parce qu'en 68, Néron est démis de ses pouvoirs, donc elle a été utilisée seulement 4 ans. Un grand effort comme ça pour seulement être habité 4 ans de temps. Okay. Et là, l'empereur Néron avait tellement un mauvais nom qu'on a préféré tout détruire, passer à du remblayage. Et j'ajouterai pour conclure qu'une des parties intéressantes, à mon sens, derrière cette maison-là, c'est le programme socio-politique qu'il y a derrière cette construction-là. Parce que l'architecture représente la grandeur de l'État romain, de l'Empire romain, toute sa puissance, les aspirations culturelles et, ultimement, le savoir-faire romain aussi. On trouvait à l'intérieur plein de décorations. Des décorations extravagantes comme des appliqués en semi-pierre précieuse, des plaquages d'ivoire aussi. Et sur les murs, il y avait des fresques. Et quand on faisait le tour de la maison jusqu'à la salle de banquet, bien, on pouvait lire une sorte d'histoire là, qui découlait de salle en salle. Eh bien, Néron n'a pas été le seul empereur ou monarque à se faire construire un palais étincelant pour démontrer la richesse ou la puissance de son État. Mais il est peut-être le seul à avoir mangé dans une salle tournante. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude. C'est vraiment très intéressant. On va passer en publicité sur CKRL au 89.1 et restez avec nous, car au retour, nous discuterons de conscience et d'intelligence au fil de l'évolution.